Bonjour tout le monde, ici André Péloquin et bienvenue à la 37e édition de Podmodernisme, un des premiers spéciales sur le Festival de musique internationale Pop Montréal. Salut tout le monde! Eh bien oui, après des mois d'absence, pas de modernisme et de retour. Non, je n'étais pas mort, j'avais juste besoin de me rééquiper. Et me voilà maintenant avec un petit peu plus d'équipement et ça devrait sonner un petit peu moins cacane Fisher-Price maintenant. On vient de débuter cette 36e édition avec une pièce des Dubbervilles, le groupe d'Ontario. C'était la pièce « We're Blowing Up ». Comme toujours, consultez le pod modernisme podmodernisme.blogspot.com pour avoir plus de détails sur les groupes, notamment leur site web. Comme ça, si vous aimez les pièces, la plupart du temps, pouvez télécharger les pièces sur les sites des groupes. C'est tout le temps de la musique PodSafe, si vous me permettez l'expression anglophone, qu'on fait jouer ici. Alors souvent, c'est des pièces qui sont disponibles sur les sites des artistes ou de leur étiquette de disque. Alors de Dubervilles, on a entendu la pièce We're Blowing Up et ceux-ci seront en concert mercredi le 4 octobre lors de la première soirée du Festival Pop Montréal. Ce concert se tiendra au Green Room en compagnie des formations Uncut de Diable et Rose et My Architects. On va commencer une série de spéciaux sur Pop Montréal ici à Pod Modernisme. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc tout le monde, j'ai travaillé pour Pop Montréal ces derniers mois. Mon contrat est en train de se terminer, sniff sniff, mais en attendant, on tente de partir en Lyon et on va essayer de faire des petites balado-diffusions qui vont vous parler de ce festival. On va essayer d'avoir le plus d'entrevues possible avec des personnes ressources de l'événement. On débute d'ailleurs aujourd'hui avec Iris qui, elle, s'occupe de la foire culturelle Plus Pop. Ça s'en vient dans quelques minutes. Et aussi, aujourd'hui, histoire de faire un peu thématique, on va ne vous jouer que des pièces d'artistes qui seront en concert lors de la première journée de Pop Montréal, le 4 octobre. Alors, lors de la prochaine édition, on va avoir le 5 octobre, ensuite le 6, patati patata. On va poursuivre de maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. On va avoir entre autres des pièces des World Provider, on va aussi avoir du Tony Easy, du Gonzalez et les Temps Liquides. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, podmodernisme, podmodernisme, @gmail.com. So let's begin with a few fundamentals.